Chapitre 17. Bien que le bar de l'hôtel fût officiellement fermé, Lucius, qui avait appris la terrible nouvelle, avait eu l'amabilité de monter discrètement dans la chambre d'Edward Pierce une bouteille sans étiquette. « Cela devrait vous réconforter un peu », avait-il glissé dans un clin d'œil amical. « C'est un rhum martiniquais qui vient de la distillerie où travaille mon oncle. » Encore ébranlés par l'épisode qu'ils avaient traversé ensemble, Lorraine et Edward restèrent silencieux un long moment. Il devait être près de minuit quand, n'ayant aucune envie d'aller se coucher, ils décidèrent ensemble de jeter un coup d'œil aux lettres anonymes. Edward avait eu la lumineuse idée de recopier le tableau de correspondance de l'alphabet ogamique qu'il avait trouvé dans l'Encyclopédia Britannica du juge Gaudion. Ainsi, s'assistant mutuellement, ils remplacèrent les symboles des deux lettres anonymes par leur équivalent dans l'alphabet latin. Malheureusement, le résultat fut d'une déconcertante nébulosité. Le texte sur le message adressé à Sir Ronald Walden donnait la série de lettres suivantes « M-O-O-M-T-L-P-B-W-F-E-U-H-V-F-R-P-U-L-F-A-B-P-X-T-H-S-L-E-N-M-O-N » et celui sur le message adressé au journal « R-P » V-R-F-M-T-P-Q-N-S-S-A-E-M-R-P-A-I-W-I-O-O-I-X-L-P-Y-Y-M-I-T-V-Z-F-V-M-P-J-F-E-O-K-H-F-E-U-O. Bon, ce n'est donc ni de l'anglais ni du français, soupira Mademoiselle Chapelle. Pensez-vous qu'il puisse s'agir d'un authentique texte celtique et qu'il nous faudrait donc un dictionnaire afin de le traduire ? J'en doute, répondit Edward. Je pense qu'il s'agit bien d'une langue contemporaine transcrite en lettres ogamiques, mais que le texte est chiffré. Quelle tannée ! Il n'y a même pas d'espace entre certaines lettres qui nous permettrait de distinguer des mots. L'absence d'espace dans un texte n'empêche jamais de le comprendre, avec un petit effort. Regardez. Sur son carnet, il écrivit « Vous êtes idiote » tout en majuscule et sans laisser d'espace. « Je vous remercie. Et donc ?» « Et donc, si mon hypothèse est la bonne, il nous manque seulement la clé de chiffrement. Cela ne nous empêche pas de tenter un décryptage. » Procédons dans l'ordre en supposant qu'il s'agisse d'une simple substitution de lettres, méthode de chiffrement la plus élémentaire et donc la plus courante. Il peut s'avérer payant d'effectuer une analyse séquentielle. C'est-à-dire, si les messages codés sont en langue anglaise, les lettres les plus fréquentes sont, dans l'ordre, le E, le T et le A. S'ils sont en langue française, il s'agit du E, du S et du A. Il faut donc d'abord que nous relevions le nombre d'occurrences de chaque signe. Et c'est ce qu'ils firent. Cela leur demanda de longues minutes. Le résultat, une nouvelle fois, fut peu concluant. Aucune lettre ne se distinguait clairement des autres par sa fréquence. Fichtre ! Il se pourrait donc que ce soit un chiffrement plus compliqué que par substitution. Un chiffrement par permutation. Ou par décalage multiple, peut-être ? Ce qui rend le décodage moins aisé, puisque dans ce cas, la même lettre chiffrée peut en remplacer plusieurs. Lorraine soupira. « Vous me donnez déjà mal à la tête, Edward. Je vous laisse faire, vous semblez bien plus calé que moi sur ce sujet. Pendant ce temps, je vais relire mes notes. » Ainsi, les deux investigateurs cogitèrent une bonne heure encore, chacun de son côté, griffonnant par moments sur leurs carnets respectifs, poussant un juron par-ci, un soupir par-là, et ponctuant leurs recherches de courtes pauses alcoolisées. Lorsqu'il fut près de 2 heures du matin, Lorraine, sans conviction, déclara « J'ai peut-être un petit quelque chose. »« Vous avez de la chance. Moi, je n'ai rien. Je penche de plus en plus pour un chiffrement par décalage multiple. » Mais sans connaître la suite de chiffres utilisés pour décaler les lettres successives, il faudrait non pas des heures, mais des jours, peut-être même des semaines, pour déchiffrer ces textes. « Faites donc un effort, Edward !» le taquina Lorraine. « Je fais de mon mieux, vilaine marmotte, Mais force est de constater que mon cerveau, pourtant bien plus développé que le vôtre, ne suffit pas. Et qu'avez-vous trouvé, vous ? J'ai repéré une coïncidence qui pourrait bien ne pas en être une. Mademoiselle Appleton nous a dit qu'Elias Carteret devait se rendre sur la route du télégraphe la nuit du 4 août, sous prétexte que c'était la première nuit des étoiles filantes. Il est vrai que les premiers jours d'août sont réputés pour être favorables à leur observation. Toutefois, en consultant le calendrier de mon agenda, j'ai été étonné de voir que le 4 août correspondait à une nuit de pleine lune. Or, si M. Carteret était réellement passionné d'astronomie, comme nous l'a affirmé la journaliste, il devait savoir qu'une lune pleine, au contraire, engendre une pollution lumineuse qui nuit à l'observation des étoiles. Titillé par la chose, dans un accès de génie indéniable, j'ai eu l'idée de consulter les dates des deux autres disparitions. Et alors ? Et alors, figurez-vous que le 18 septembre, date de la disparition de Mademoiselle Tudor, tombait une nuit de nouvelle lune. Et que, le 2 octobre, pour Margaret Weldon, tombait de nouveau une nuit de lune pleine. Un dénominateur commun qui, je vous l'accorde, est très mince et probablement fortuit, mais je ne pouvais pas le passer sous silence, surtout auprès d'un homme comme vous. Le visage de Pierce s'illumina. Et vous avez bien fait, ingénieuse petite fouine que vous êtes. Ah ? Et pourquoi donc ? Parce que le calendrier celtique, ma chère, était justement un calendrier lunaire, et que les quinzaines s'articulaient autour des lunes pleines et des nouvelles lunes. Tiens donc. Il y a une trentaine d'années, des fragments de bronze couverts de gravures et remontant au IIe siècle après Jésus-Christ ont été découverts en France, à Coligny. En les reconstituant, les chercheurs ont pu mettre au jour un calendrier celtique sur lequel les mois dépendaient en effet du cycle lunaire. La date des disparitions serait-elle une nouvelle référence à la culture celtique ? Lorraine haussa les épaules. Tout cela est fort ténu. Certes. Mais quand les conjectures se multiplient et pointent toutes dans la même direction, l'investigateur n'a pas le droit de les négliger. J'en conviens. Une chose est sûre, la prochaine lune pleine aura lieu comme par hasard samedi prochain, le dernier jour de la Blackmore Week. Et cette nuit-là, si j'étais un habitant de Blackmore, je serrerais vivement mon popotin. J'espère bien que nous aurons résolu notre enquête avant cela. Il y a tout de même un sujet que nous n'avons pas abordé et qui me turlupine. Je vous écoute. Vous vous souvenez, hier soir, quand nous nous sommes rencontrés ? Comment oublier ? Répliqua Edward d'un ton exagérément nostalgique. Nous avons évoqué ensemble une particularité au sujet de certains habitants de l'île qui nous avaient frappés tous les deux. Les yeux. Mademoiselle Chapelle hocha lentement la tête. J'avoue que j'ai du mal à imaginer qu'il puisse y avoir la matière à enquêter, et pourtant, ce particularisme que je décrirais comme une sorte de couronne brunâtre qui entoure la cornée, je l'ai d'abord remarqué dans le regard d'un marin qui m'avait dévisagé quand nous avons débarqué à Port Brain. Je l'ai vu ensuite dans les yeux d'un enfant un peu étrange qui, au beau milieu de la nuit et sous une pluie battante, se trouvait seul sur la chaussée et m'a regardé d'un air singulier alors que je passais devant lui à bord de la voiture de Sir Ronald. On eût dit « un guetteur » qui surveillait la route qui va du port à la ville. Et enfin, je l'ai remarqué dans le regard de cette charmante Madame Fletcher, notre hôtelière à Cariâtre. Cela faisait déjà beaucoup. Mais ce qui m'intrigue le plus à présent, c'est que j'ai retrouvé cette même bizarrerie dans un portrait de Margaret Weldon qui trône dans sa chambre, tout comme sur la photo d'Elias Carteret. Elle posa l'exemplaire de la Blackmore Gazette où figurait le portrait du jeune homme. Qu'en dites-vous, Edward ? La chose est pour le moins singulière. Et c'est vous, après tout, le détective de l'étrange ? Mon trouble est aussi grand que le vôtre, Lorraine. J'ai observé, moi aussi, cette anomalie dans les yeux de quelques habitants, à commencer par la diaconesse de l'église Sainte-Anne. Plus intriguant encore, sur l'un des vitraux, un personnage biblique était atteint de cette même bizarrerie. Il y a peut-être matière à creuser, en effet, mais je ne suis pas sûr que la chose relève de mes compétences de sciences occultes. Elle semble relever davantage de la pathologie, vous ne pensez pas? Une maladie génétique qui toucherait plusieurs familles de l'île? C'est certes l'explication la plus rationnelle. Devrions-nous alors interroger un médecin? Edward, songeur, se frotta le menton un instant. Le père Molloy a mentionné un certain docteur Callum McCann dans sa lettre, en me précisant qu'il était l'un de ses amis et qu'il dirigeait le sanatorium de Brackbury. Bigre! Du bateau, j'ai aperçu ce bâtiment isolé sur un îlot au nord-ouest de Blackmore. Il m'a semblé tout à fait lugubre. Un sanatorium est rarement folichon. Mais je pense qu'en nous recommandant du père Molloy, il y a des chances que ce médecin-là soit plus loquace qu'un autre. Les gens n'ont pas l'air d'être très bavards sur cette île. En outre, peut-être pourrait-il nous éclairer sur ces histoires de scènes d'hystérie collective dont parlait Pat dans ses notes, et dont le passé de Blackmore fourmillerait. La chose relève sans doute de la psychiatrie. Soit. Nous essaierons de le voir demain. Mais avant cela, il nous reste à interroger l'entourage de Mademoiselle Tudor à l'école des filles et celui de Margaret à l'armée du salut. La journée ne sera pas de tout repos. Pour les sages, il n'est d'autre repos que la mort. Dans ce cas, permettez-moi, Edward, d'aller mourir quelques heures. Nous ressusciterons pour le petit déjeuner.